Chapitre 4. Une reine du Teriani. Cette observation du fournisseur termina notre visite au Kraal. L'heure était venue de regagner Stimhouse. En somme, le capitaine Hod et Mathias Van Guit ne se séparaient pas les deux meilleurs amis du monde. Si l'un voulait détruire les fauves du Teriani, l'autre voulait les prendre, et cependant, il y en avait assez pour les contenter tous les deux. Il fut pourtant convenu que les rapports seraient fréquents entre le Kraal et le Sanitarium. On s'avertirait réciproquement des beaucoup à faire. Les shikaris de Mathias Van Guit, très au courant de ce genre d'expédition, connaissant les détours du Teriani, étaient à même de rendre service au capitaine Hod en lui signalant des passes d'animaux. Le fournisseur les mit obligeamment à sa disposition, et plus spécialement Kalagani. Cet hindou, bien que récemment entré dans le personnel du Kraal, se montrait très entendu, et l'on pouvait absolument compter sur lui. En revanche, le capitaine Hod promit d'aider, dans la limite de ses moyens, à la capture des fauves qui manquaient au stock de Mathias Van Guit. Avant de quitter le Kraal, Sir Edward Munro, qui ne comptait probablement pas y faire de fréquentes visites, remercia encore une fois Kalagani, dont l'intervention l'avait sauvé. Il lui dit qu'il serait toujours le bienvenu à Stimhouse. L'hindou s'inclina froidement. Quelque sentiment de satisfaction qu'il éprouva à entendre ainsi parler l'homme qui lui devait la vie, il n'en laissa rien paraître. Nous étions rentrés pour l'heure du dîner. Mathias Van Guit, on le pense bien, fit les frais de la conversation. « Mille diables! Quel beau geste il vous a, ce fournisseur !» répétait le capitaine Hod. « Quel choix de mots! Quel tour d'expression !» Seulement, s'il ne voit dans les fauves que des sujets d'exhibition, il se trompe. Les jours suivants, 27, 28 et 29 juin, la pluie tomba avec une telle violence que nos chasseurs, si enragés qu'ils fussent, ne purent quitter Stimhouse. Par ce temps horrible, d'ailleurs, les traces sont impossibles à reconnaître, et les carnassiers, qui n'aiment pas plus l'eau que les chats, ne quittent pas volontiers leur gîte. Le 30 juillet, meilleur temps, meilleure apparence du ciel. Ce jour-là, le capitaine Hod, Fox, Goumi et moi, nous fîmes nos préparatifs pour descendre au Kraal. Pendant la matinée, quelques montagnards vinrent nous rendre visite. Ils avaient entendu dire qu'une pagode miraculeuse s'était transportée dans la région de l'Himalaya, et un vif sentiment de curiosité venait de les conduire à Stimhouse. Beau type que ceux de cette race de la frontière tibétaine, indigènes aux vertus guerrières, d'une loyauté à toute épreuve, pratiquant largement l'hospitalité, bien supérieure, moralement et physiquement, aux hindous des plaines. Si la prétendue pagode les émerveilla, le géant d'acier les impressionna jusqu'à provoquer de leur part des signes d'adoration. Il était au repos, cependant. Qu'auraient-ils donc éprouvé, ces braves gens, s'ils l'avaient vu, vomissant fumée et flamme, gravir d'un pas assuré les rudes rampes de leur montagne? Le colonel Munro fit bon accueil à ces indigènes, dont quelques-uns parcourent le plus habituellement les territoires du Népal, à la limite indo-chinoise. La conversation porta un instant sur cette partie de la frontière où Nana Sahib avait cherché refuge après la défaite des Sipaïs lorsqu'il fut traqué sur tout le territoire de l'Inde. Ces montagnards ne savaient en somme que ce que nous savions nous-mêmes. Le bruit de la mort du Nabab était venu jusqu'à eux et ils ne paraissaient pas la mettre en doute. Quant à ceux de ses compagnons qui lui avaient survécu, il n'en était plus question. Peut-être avait-il été chercher un asile plus sûr jusque dans les profondeurs du Tibet, mais les retrouver dans cette contrée eût été difficile. En vérité, si le colonel Munro avait eu cette pensée, en s'élevant vers le nord de la péninsule, de tirer au clair tout ce qui touchait de près ou de loin à Nana Sahib, cette réponse était bien faite pour l'en détourner. Cependant, en écoutant ces montagnards, il resta songeur et ne prit plus part à la conversation. Le capitaine Hod, lui, leur posa quelques questions, mais à un tout autre point de vue. Ils lui apprirent que des fauves, plus particulièrement des tigres, faisaient d'effrayants ravages dans la zone inférieure de l'Himalaya. Des fermes et même des villages entiers avaient dû être abandonnés par leurs habitants. Plusieurs troupeaux de chèvres et de moutons étaient déjà détruits, et l'on comptait aussi de nombreuses victimes parmi les indigènes. Malgré la prime considérable offerte au nom du gouvernement, 300 roupies par tête de tigre, le nombre de ces félins ne semblait pas diminuer, et l'on se demandait si l'homme n'en serait pas bientôt réduit à leur céder la place. Les montagnards ajoutèrent aussi ce renseignement, c'est que les tigres ne se confinaient pas seulement dans le Teriani. Partout, la plaine leur offrait de hautes herbes, des jungles, des buissons dans lesquels ils pouvaient se mettre à l'affût. On les rencontrait en grand nombre. « Malfaisantes bêtes, » dirent-ils. Ces braves gens, et pour cause, on le voit, ne professaient pas, à l'endroit des tigres, les mêmes idées que le fournisseur Mathias Van Guitt et notre ami le capitaine Hod. Les montagnards se retirèrent, enchantés de l'accueil qu'ils avaient reçu, et promirent de renouveler leur visite à Steamhouse. Après leur départ, nos préparatifs étant achevés, le capitaine Hod, nos deux compagnons et moi, bien armés, prêts à toute rencontre, nous descendîmes vers le Tariani. En arrivant à la clairière, où se dressait le piège dont nous avions si heureusement extrait Mathias Van Guitt, celui-ci se présenta à nos yeux non sans quelque cérémonie. Cinq ou six de ces gens, et dans le nombre Kalagani, étaient occupés à faire passer du piège dans une cage roulante un tigre qui s'était laissé prendre pendant la nuit. Magnifique animal en vérité, et s'il fit envie au capitaine Hod, cela va sans dire. « Un de moins dans le Tariani, » murmura-t-il entre deux soupirs, qui trouvèrent un écho dans la poitrine de Fox. « Un de plus dans la ménagerie, » répondit le fournisseur. « Encore deux tigres, un lion, deux léopards, et je serai en mesure de faire honneur à mes engagements avant la fin de la campagne. Venez-vous avec moi au kraal, messieurs ?»« Nous vous remercions, » dit le capitaine Hod, « mais aujourd'hui, nous chassons pour notre compte. »« Kalagani est à votre disposition, capitaine Hod, » répondit le fournisseur. « Il connaît bien la forêt et peut vous être utile. » « Nous l'acceptons volontiers pour guide. »« Maintenant, messieurs, » ajouta Mathias Van Guitt, « bonne chance. Mais promettez-moi de ne pas tout massacrer. »« Nous vous en laisserons, » répondit le capitaine Hod. Et Mathias Van Guitt, nous saluant d'un geste superbe, disparut sous les arbres à la suite de la cage roulante. « En route, » dit le capitaine Hod. « En route, mes amis, à mon 42e. »« À mon 38e, » répondit Fox. « À mon 1er, » ajoutai-je. Mais le ton avec lequel je prononçais ces mots fit sourire le capitaine. Évidemment, je n'avais pas le feu sacré. Hod s'était retourné vers Kalagani. « Tu connais bien le Tariani ?» lui demanda-t-il. « Je l'ai 20 fois parcouru, nuit et jour, dans toutes les directions, » répondit l'hindou. « As-tu entendu dire qu'un tigre ait été plus particulièrement signalé aux environs du kraal ?»« Oui, mais ce tigre est une tigresse. Elle a été vue à 2000 d'ici dans le haut de la forêt, et depuis quelques jours on cherche à s'en emparer. » « Voulez-vous que... si nous voulons ?» répondit le capitaine Hod, sans laisser à l'hindou le temps d'achever sa phrase. En effet, nous n'avions rien de mieux à faire qu'à suivre Kalagani, et c'est ce qui fut fait. Il n'est pas douteux que les fauves ne soient très nombreux dans le Tariani, et là, comme ailleurs, il ne leur faut pas moins de 2 bœufs par semaine pour leur consommation particulière. Calculez ce que cet entretien coûte à la péninsule entière. Mais si les tigres y sont en grand nombre, qu'on ne s'imagine pas qu'ils courent les territoires sans nécessité. Tant que la faim ne les pousse pas, ils restent cachés dans leurs repères, et ce serait une erreur de penser qu'on les rencontre à chaque pas. Combien de voyageurs ont parcouru les forêts ou les jungles sans en avoir jamais vu? Aussi, lorsqu'une chasse s'organise, doit-on commencer par reconnaître les passes habituelles de ces animaux, et surtout découvrir le ruisseau ou la source à laquelle ils vont ordinairement se désaltérer? Cela ne suffit même pas, et il faut encore les attirer. On le fait assez facilement, en plaçant un quartier de bœuf attaché à un poteau dans quelque endroit entouré d'arbres ou de rochers qui peuvent servir d'abri aux chasseurs. C'est ainsi du moins que l'on procède en forêt. En plaine, c'est autre chose, et l'éléphant devient le plus utile auxiliaire de l'homme dans ses dangereuses chasses à courre. Mais ces animaux doivent être parfaitement dressés à cette manœuvre. Malgré tout, ils sont parfois pris de panique, ce qui rend très périlleuse la position des chasseurs juchés sur leur dos. Il convient de dire aussi que le tigre n'hésite pas à se jeter sur l'éléphant. La lutte entre l'homme et lui se fait alors sous le dos du gigantesque pachyderme qui s'emporte, et il est rare qu'elle ne se termine pas à l'avantage du fauve. C'est ainsi cependant que s'accomplissent les grandes chasses des rajas et des riches sportsmen de l'Inde, dignes de figurer dans les annales cynégétiques. Mais telle n'était point la manière de procéder du capitaine Hod. C'était à pied qu'il s'en allait à la recherche des tigres, c'était à pied qu'il avait coutume de les combattre. Cependant, nous suivions Kalagani, qui marchait d'un bon pas. Réservé comme un hindou, il causait peu et se bornait à répondre brièvement aux questions qui lui étaient posées. Une heure après, nous faisions halte près d'un ruisseau torrentueux, dont les berges portaient des empreintes d'animaux fraîches encore. au milieu d'une petite clairière se dressait un poteau auquel pendait tout un quartier de bœufs. La panne n'avait pas été entièrement respectée. Il venait d'être récemment déchiqueté par la dent des chacals, ces filous de la faune indienne, toujours en quête de quelque proie. Cette proie ne leur fut-elle pas destinée? Une douzaine de ces carnassiers s'enfuirent à notre approche et nous laissèrent la place libre. « Capitaine, dit Galagani, c'est ici que nous allons attendre la tigresse. Vous voyez que l'endroit est favorable pour un affût. » En effet, il était facile de se poster dans les arbres ou derrière les roches, de manière à pouvoir croiser ses feux sur le poteau isolé au milieu de la clairière. C'est ce qui fut fait immédiatement. Goumi et moi, nous avions pris place sur la même branche. Le capitaine Hood et Fox, tous deux perchés à la première bifurcation de deux grands chênes verts, se faisaient vis-à-vis. Galagani, lui, s'était à demi caché derrière une haute roche qu'il pouvait gravir si le danger devenait imminent. L'animal serait ainsi pris dans un cercle de feu dont il ne pourrait sortir. Toutes les chances étaient donc contre lui, bien qu'il fallût, pourtant, compter avec l'imprévu. Nous n'avions plus qu'à attendre. Les chacals, dispersés çà et là, faisaient toujours entendre leurs rauques aboiements dans les taillis voisins, mais ils n'osaient plus venir s'attaquer au quartier de bœuf. Une heure ne s'était pas écoulée, que ces aboiements cessèrent subitement. Presque aussitôt, deux ou trois chacals bondirent hors du fourré, traversèrent la clairière et disparurent au plus épais du bois. Un signe de Galagani qui se préparait à gravir la roche nous prévint de nous tenir sur nos gardes. En effet, cette fuite précipitée des chacals n'avait pu être provoquée que par l'approche de quelques fauves, la tigresse sans doute, et il fallait se préparer à le voir paraître d'un instant à l'autre sur quelques points de la clairière. Nos armes étaient prêtes. Les carabines du capitaine Hood et de son brosseur, déjà braquées vers l'endroit du taillis d'où s'étaient échappés les chacals, n'attendaient qu'une pression de doigts pour éclater. Bientôt, je crus voir se produire une légère agitation des branches supérieures du fourré. Un craquement de bois sec se fit entendre au même instant. Un animal, quel qu'il fût, s'avançait, mais prudemment, sans se hâter. De ces chasseurs qui le guettaient à l'abri d'un épais feuillage, il ne pouvait évidemment rien voir. Toutefois, son instinct devait lui laisser pressentir que l'endroit n'était pas sûr pour lui. Très certainement, s'il n'eût été poussé par la faim, si le quartier de bœuf ne l'eût attiré par ses émanations, il ne se serait pas hasardé plus loin. Il se montra cependant à travers les branches d'un buisson et s'arrêta par un sentiment de défiance. C'était bien une tigresse, de grande taille, puissante de tête, souple de corps. Elle commença à s'avancer en se rasant, avec le mouvement onduleux d'un reptile. D'un commun accord, nous la laissâmes s'approcher vers le poteau. Elle flairait la terre, elle se redressait, elle faisait le gros dos, comme un énorme chat qui ne cherche pas à bondir. Soudain, deux coups de carabine éclatèrent. « 42 !» cria le capitaine Hood. « 38 !» cria Fox. Le capitaine et son brosseur avaient tiré en même temps, et si juste, que la tigresse, frappée d'une balle au cœur, si ce n'était de deux, roulait sur le sol. Galagani s'était précipité vers l'animal. Nous avions aussitôt sauté à terre. La tigresse ne remuait plus. Mais à qui revenait l'honneur de l'avoir mortellement frappé? Au capitaine ou à Fox? Cela importait, comme on pense. La bête fut ouverte. Le cœur avait été traversé de deux balles. « Allons, » dit le capitaine Hood, non sans quelques regrets. « Un demi à chacun de nous. »« Un demi, mon capitaine, » répondit Fox du même ton. Et je crois que ni l'un ni l'autre n'aurait cédé la part qu'il convenait d'inscrire à son compte. Tel fut ce coup merveilleux, dont le résultat le plus net était que l'animal avait succombé sans lutte et conséquemment sans danger pour les assaillants, résultat bien rare dans les chasses de ce genre. Fox et Goumi restèrent sur le champ de bataille afin de dépouiller la bête de sa superbe fourrure, pendant que le capitaine Hood et moi nous revenions à Stemhouse. Mon intention n'est pas de noter par le menu les incidents de nos expéditions dans le Taryani, à moins qu'ils ne présentent quelque caractère particulier. Je me borne donc à dire, dès à présent, que le capitaine Hood et Fox n'eurent point à se plaindre. Le 10 juillet, pendant une chasse au Woody, c'est-à-dire à la hutte, une heureuse chance les favorisa encore, sans qu'ils eussent couru de réels dangers. Le Woody d'ailleurs est bien disposé pour l'affût des grands fauves. C'est une sorte de petit fortin crénelé, dont les murailles, percées de meurtrières, commandent les bords d'un ruisseau auquel les animaux ont l'habitude d'aller boire. Accoutumés à voir ces constructions, ils ne peuvent se défier et s'exposent directement au coup de feu. Mais là, comme partout, il s'agit de les frapper mortellement d'une première balle, où la lutte devient dangereuse, et le Houdi ne met pas toujours le chasseur à l'abri des bonds formidables de ces bêtes que leurs blessures rend furieuses. Ce fut ce qui arriva précisément dans cette occasion, ainsi qu'on va le voir. Mathias Van Guitt nous accompagnait. Peut-être espérait-il qu'un tigre, légèrement blessé, pouvait être emmené au kraal, où il se chargerait de le soigner et de le guérir. Or, ce jour-là, notre troupe de chasseurs eut affaire à trois tigres, que la première décharge n'empêcha pas de s'élancer sur les murs du Houdi. Les deux premiers, au grand chagrin du fournisseur, furent tués d'une seconde balle lorsqu'ils franchissaient l'enceinte crénelée. Quant au troisième, il bondit jusque dans l'intérieur, l'épaule en sang, mais non mortellement touché. « Celui-là, nous l'aurons !» s'écria Mathias Van Guitt, qui s'aventurait quelque peu en parlant ainsi. « Nous l'aurons vivant !» Il n'avait pas achevé son imprudente phrase que l'animal se précipitait sur lui, le renversait, et s'en était fait du fournisseur si une balle du capitaine Hood n'eût frappé à la tête le tigre qui tomba foudroyé. Mathias Van Guitt s'était relevé lestement. « Eh, capitaine, s'écria-t-il, au lieu de remercier notre compagnon, vous auriez bien pu attendre. »« Attendre quoi ? » répondit le capitaine Hood, « que cet animal vous eût ouvert la poitrine d'un coup de griffe ?»« Un coup de griffe n'est pas mortel, soit. » répliqua tranquillement le capitaine Hood, « une autre fois j'attendrai. » Quoi qu'il en soit, la bête, hors d'état de figurer dans la ménagerie du kraal, n'était plus bonne qu'à faire une descente de lit. Mais cette heureuse expédition porta 43 pour le capitaine et à 38 pour son brosseur le chiffre des tigres tués par eux, sans compter la demi-tigresse qui figurait déjà à leur actif. Il ne faudrait pas croire que ces grandes chasses nous fissent oublier les petites. Monsieur Parazar ne l'eût pas permis. Antilopes, chamois, grosses outardes, qui étaient très nombreuses autour de Steamhouse, perdrix, lièvres, fournissaient à notre table une grande variété de gibier. Lorsque nous allions courir le Tariani, il était rare que Banks se joignît à nous. Si ses expéditions commençaient à m'intéresser, lui n'y mordait guère. Les zones supérieures de l'Himalaya lui offraient évidemment plus d'attrait. Il se plaisait à ses excursions, surtout lorsque le colonel Munro consentait à l'accompagner. Mais une ou deux fois seulement, les promenades de l'ingénieur se firent dans ces conditions. Il avait pu observer que depuis son installation au sanitarium, Sir Edward Munro était redevenu soucieux. Il parlait moins, il se tenait plus à l'écart, il conférait quelquefois avec le sergent McNeil. Méditaient-ils donc, tous deux, quelques nouveaux projets qu'ils voulaient cacher, même à Banks? Le 13 juillet, Mathias Van Guitt vint nous rendre visite. Moins favorisé que le capitaine Hood, il n'avait pu ajouter un nouvel hôte à sa ménagerie. Ni tigre, ni lion, ni léopard ne paraissaient disposés à se laisser prendre. L'idée d'aller s'exhiber dans les contrées de l'extrême-occident ne les séduisait pas, sans doute. De là, un très réel dépit que le fournisseur ne cherchait pas à dissimuler. Calgany et deux shikaris de son personnel accompagnaient Mathias Van Guitt pendant cette visite. L'installation du sanitarium, dans cette situation charmante, lui plut infiniment. Le colonel Munro le pria de rester à dîner. Il accepta avec empressement et promit de faire honneur à notre table. En attendant le dîner, Mathias Van Guitt voulut visiter Steamhouse, dont le confort contrastait avec sa modeste installation du kraal. Les deux maisons roulantes provoquèrent de sa part quelques compliments. Mais je dois avouer que le géant d'acier n'excita point son admiration. Un naturaliste tel que lui ne pouvait que rester insensible devant ce chef-d'œuvre de mécanique. Comment eût-il approuvé, si remarquable qu'elle fût, la création de cette bête artificielle? « Ne pensez pas de mal de notre éléphant, monsieur Mathias Van Guitt, lui dit Banks. C'est un puissant animal, et s'il le fallait, il ne serait pas embarrassé de traîner avec nos deux chars toutes les cages de votre ménagerie roulante. »« J'ai mes buffles, répondit le fournisseur, et je préfère leur pas tranquille et sûr. »« Le géant d'acier ne craint ni la griffe ni la dent des tigres, » s'écria le capitaine Hood. « Sans doute, messieurs, » répondit Mathias Van Guitt. « Mais pourquoi les fauves l'attaqueraient-ils ? Ils font peu de cas d'une chair de tôle. » En revanche, si le naturaliste ne dissimula pas son indifférence pour notre éléphant, ces hindous, et Calgany plus particulièrement, ne cessaient de le dévorer des yeux. On sentait que de leur admiration pour le gigantesque animal, il entrait une certaine dose de superstitieux respect. Galignani parut même très surpris, lorsque l'ingénieur répéta que le géant d'acier était plus puissant que tout l'attelage du Kral. Ce fut une occasion pour le capitaine Odd de raconter, non sans quelque fierté, notre aventure avec les trois proboscidiens du prince Guru Singh. Un certain sourire d'incrédulité erra sur les lèvres du fournisseur, mais il n'insista pas. Le dîner se passa dans des conditions excellentes. Mathias Van Guitt lui fit largement honneur. Il faut dire que l'office s'était agréablement gardé des produits de nos dernières chasses et que M. Parazard avait tenu à se surpasser. La cave de Steamhouse fournit aussi quelques boissons variées, que parut apprécier notre hôte, surtout deux ou trois verres de vin de France, dont l'absorption fut suivie d'un claquement de langue incomparable. Si bien qu'après dîner, au moment de nous séparer, on put juger, à l'incertitude de sa déambulation, que si le vin lui montait à la tête, il lui descendait aussi dans les jambes. La nuit venue, on se sépara les meilleurs amis du monde, et grâce à ses compagnons de route, Mathias Van Guitt put regagner le Kral sans encombre. Cependant, le 16 juillet, un incident faillit amener la brouille entre le fournisseur et le capitaine Hod. Un tigre fut tué par le capitaine au moment où il allait entrer dans un des pièges à bascule. Mais si celui-là fit son 43e, il ne fit pas le 8e du fournisseur. Toutefois, après un échange d'explications un peu vives, les bons rapports furent repris grâce à l'intervention du colonel Munro, et le capitaine Hod s'engagea à respecter les fauves qui auraient l'intention de se faire prendre dans les pièges de Mathias Van Guitt. Pendant les jours suivants, le temps fut détestable. Il fallut, bon gré mal gré, rester à Steamhouse. Nous avions hâte que la saison des pluies touchât à sa fin, ce qui ne pouvait tarder, puisqu'elle durait déjà depuis plus de 3 mois. Si le programme de notre voyage s'exécutait dans les conditions que Banks avait établies, il ne nous restait plus que 6 semaines à passer au sanitarium. Le 23 juillet, quelques montagnards de la frontière vinrent rendre une seconde fois visite au colonel Munro. Leur village, nommé Souhari, n'était situé qu'à 5 milles de notre campement, presque à la limite supérieure du Tariani. L'un d'eux nous apprit que, depuis quelques semaines, une tigresse faisait d'effrayants ravages sur cette partie du territoire. Les troupeaux étaient décimés, et l'on parlait déjà d'abandonner Souhari, devenu inhabitable. Il n'y avait plus de sécurité, ni pour les animaux domestiques, ni pour les gens. Pièges, trappes, affûts, rien n'avait raison de cette féroce bête qui prenait déjà rang parmi les plus redoutables fauves dont les vieux montagnards eussent jamais entendu parler. Ce récit, on le pense, était bien fait pour surexciter les instincts du capitaine Hod. Il offrit immédiatement aux montagnards de les accompagner au village de Souhari, tout disposé à mettre son expérience de chasseur et la sûreté de son coup d'œil au service de ces braves gens, qui, je l'imagine, comptaient un peu sur cette offre. « Viendrez-vous, Mauclerc ?» me demanda le capitaine Hod, du ton d'un homme qui ne cherche point à influencer une détermination. « Certainement, » répondis-je, « je ne veux pas manquer une expédition aussi intéressante. »« Je vous accompagnerai, cette fois, » dit l'ingénieur. « Voilà une excellente idée, Banks. » « Oui, Hod, j'ai un vif désir de vous voir à l'œuvre. »« Est-ce que je n'en serai pas, mon capitaine ?» demanda Fox. « Ah, l'intrigant !» s'écria le capitaine Hod. « Il ne serait pas fâché de compléter sa demi-tigresse. »« Oui, Fox, oui, tu en seras. » Comme il s'agissait de quitter Steamhouse pour 3 ou 4 jours, Banks demanda au colonel s'il lui conviendrait de nous accompagner au village de Souhari. Sir Edward Munro le remercia. Il se proposait de profiter de notre absence pour visiter la zone moyenne de l'Himalaya au-dessus de Tariani avec Goumi et le sergent McNeil. Banks n'insista pas. Il fut donc décidé que nous partirions le jour même pour le Kral afin d'emprunter à Mathias Van Guitt quelques-uns de ses shikaris qui pouvaient nous être utiles. 1 heure après, vers midi, nous étions arrivés. Le fournisseur fut mis au courant de nos projets. Il ne cacha point sa secrète satisfaction en apprenant les exploits de cette tigresse. « Bien faite, dit-il, pour eux aussi dans l'esprit des connaisseurs la réputation des félins de la péninsule. » Puis il mit à notre disposition 3 de ces hindous, sans compter Galignani, toujours prêt à marcher au danger. Il fut seulement bien entendu avec le capitaine Hod que si, par impossible, cette tigresse se laissait prendre vivante, elle appartiendrait de droit à la ménagerie de Mathias Van Guitt. Quelle attraction, lorsqu'une notice, appendue au barreau de sa cage, raconterait en chiffres éloquents les hauts faits de l'une des reines du Tariani, qui n'a pas dévoré moins de 138 personnes des deux sexes. » Notre petite troupe quitta le kraal vers 2 heures de l'après-midi. Avant 4 heures, après avoir remonté obliquement dans l'est, elle arrivait à Souari sans incident. La panique était là à son comble. Dans la matinée même, une malheureuse hindoue, inopinément surprise par la tigresse près d'un ruisseau, avait été emportée dans la forêt. La maison de l'un des montagnards, riche fermier anglais du territoire, nous reçut hospitalièrement. Notre hôte avait eu plus que tout autre à se plaindre de l'imprenable fauve et il eût volontiers payé sa peau de plusieurs milliers de roupies. « Capitaine Hod, dit-il, il y a quelques années, dans les provinces du centre, une tigresse a obligé les habitants de 13 villages à prendre la fuite et 250 000 carrés de bon sol ont dû rester en friche. Eh bien ici, pour peu que cela continue, ce sera la province entière qu'il faudra abandonner. Vous avez employé tous les moyens de destruction possibles contre cette tigresse, demanda Banks. Tous, monsieur l'ingénieur, pièges, fosses, même les appâts préparés à strychnine, rien n'a réussi. Mon ami, dit le capitaine Hod, je n'affirme pas que nous arrivons à vous donner satisfaction, mais nous ferons de notre mieux. Dès que notre installation à Souari eut été achevée, une battue fut organisée le jour même. À nous, à nos gens, aux shikaris du kraal, se joignirent une vingtaine de montagnards qui connaissaient parfaitement le territoire sur lequel il s'agissait d'opérer. Banks, si peu chasseur qu'il fût, me parut devoir suivre notre expédition avec le plus vif intérêt. Pendant 3 jours, les 24, 25 et 26 juillet, toute cette partie de la montagne fut fouillée sans que nos recherches eussent amené aucun résultat, si ce n'est que 2 autres tigres, auxquels on ne songeait guère, tombèrent encore sous la balle du capitaine. 45 se contenta de dire Hod, sans y ajouter autrement d'importance. Enfin, le 27, la tigresse signala son apparition par un nouveau méfait. Un buffle, appartenant à notre hôte, disparut d'un pâturage voisin de Souari, et l'on n'en retrouva plus que le reste à 1/4 de mile du village. L'assassinat, meurtre avec préméditation, eût dit un légiste, s'était accompli un peu avant le lever du jour. L'assassin ne pouvait être loin. Mais l'auteur principal du crime était-ce bien cette tigresse, si inutilement recherchée jusqu'alors? Les hindous de Souari n'en doutèrent pas. « C'est mon oncle, ce ne peut être que lui qui a fait le coup, » nous dit un des montagnards, « mon oncle. » C'est ainsi que les hindous désignent généralement le tigre dans la plupart des territoires de la péninsule. Cela tient à ce qu'ils croient que chacun de leurs ancêtres est logé pour l'éternité dans le corps de l'un de ses membres de la famille des félins. Cette fois, ils auraient pu plus justement dire « c'est ma tante ». La décision fut aussitôt prise de se mettre en quête de l'animal, sans même attendre la nuit, puisque la nuit lui permettrait de se mieux dérober aux recherches. Il devait être repu d'ailleurs et n'aurait plus quitté son repère avant 2 ou 3 jours. On se mit en campagne. À partir de l'endroit où le buffle avait été saisi, des empreintes sanglantes marquaient le chemin suivi par la tigresse. Ces empreintes se dirigeaient vers un petit taillis qui avait été battu déjà plusieurs fois, sans qu'on n'y pût rien découvrir. On résolut donc de cerner ce taillis de manière à former un cercle que l'animal ne pourrait pas franchir, du moins sans être vu. Les montagnards se dispersèrent de manière à se rabattre peu à peu vers le centre, en rétrécissant leur cercle. Le capitaine Hod, Kalagani et moi, nous étions d'un côté, Banks et Fox de l'autre, mais en constante communication avec les gens du kraal et ceux du village. Évidemment, chaque point de cette circonférence était dangereux, puisque sur chaque point, la tigresse pouvait essayer de la rompre. Nul doute d'ailleurs que l'animal ne fût dans le taillis. En effet, les empreintes qui aboutissaient par un côté ne reparaissaient pas de l'autre. Quelle que fût sa retraite habituelle, ce n'était pas prouvé car on l'y avait déjà cherché sans succès. Mais en ce moment, toutes les présomptions étaient pour que ce taillis lui servît de refuge. Il était alors 8 heures du matin. Toutes les dispositions prises, nous avancions peu à peu, sans bruit, en resserrant de plus en plus le cercle d'investissement. Une demi-heure après, nous étions à la limite des premiers arbres. Aucun incident ne s'était produit, rien ne dénonçait la présence de l'animal, et pour mon compte, je me demandais si nous ne manœuvrions pas en pure perte. À ce moment, il n'était plus possible de se voir qu'à ceux qui occupaient un arc restreint de la circonférence, et il importait cependant de marcher avec un parfait ensemble. Il avait donc été préalablement convenu qu'un coup de fusil serait tiré au moment où le premier de nous pénétrerait dans le bois. Le signal fut donné par le capitaine Hod, qui était toujours en avant, et la lisière fut franchie. Je regardai l'heure à ma montre, elle marquait alors 8h35. Un quart d'heure après, le cercle s'étant resserré, on se touchait les coudes et l'on s'arrêtait dans la partie la plus épaisse du taillis sans avoir rien rencontré. Le silence n'avait été troublé jusque-là que par le bruit des branches sèches qui, quelques précautions que l'on prit, s'écrasaient sous nos pieds. En ce moment, un hurlement se fit entendre. « La bête est là !» s'écria le capitaine Hod, en montrant l'orifice d'une caverne creusée dans un amoncellement de rocs que couronnait un groupe de grands arbres. Le capitaine Hod ne se trompait pas. Si ce n'était pas le repère habituel de la tigresse, c'était là du moins qu'elle s'était réfugiée, se sentant traquée par toute une bande de chasseurs. Hod, Bangs, Fox, Kalagani, plusieurs des gens du Kraal, nous nous étions approchés de l'étroite ouverture à laquelle venaient aboutir les empreintes sanglantes. « Il faut pénétrer là-dedans, » dit le capitaine Hod. « Manœuvre dangereuse, » fit observer Bangs. « Il y a risque de blessures graves pour le premier qui entrera. » « J'entrerai, cependant, » dit Hod, en s'assurant que sa carabine était prête à faire feu. « Après moi, mon capitaine, » répondit Fox, qui se baissa vers l'ouverture de la caverne. « Non, Fox, non !» s'écria Hod. « Ceci me regarde !»« Ah, mon capitaine !» répondit doucement Fox avec un accent de reproche. « Je suis en retard de 7. » Ils en étaient à compter leur tir dans un pareil moment. « Ni l'un ni l'autre, vous n'entrerez là !» s'écria Banks. « Non, je ne vous laisserai pas !» « Il y aura peut-être un moyen, » dit alors Kalagani en interrompant l'ingénieur. « Lequel ?»« Ce serait d'enfumer ce repère, » répondit l'hindou. « L'animal serait forcé de déguerpir. Nous aurions moins de risques et plus de facilité pour le tuer au dehors. »« Kalagani a raison, » dit Banks. « Allons, mes amis, du bois mort, des herbes sèches. Obstruez-moi convenablement cette ouverture. Le vent chassera les flammes et la fumée à l'intérieur. Il faudra bien que la bête se laisse griller ou se sauve. Elle se sauvera. » reprit l'hindou. « Soit, » répondit le capitaine Hod, « nous serons là pour la saluer au passage. » En un instant, des broussailles, des herbes sèches, du bois mort, et il n'en manquait pas dans ce taillis, tout un amas de matière combustible fut empilé devant l'entrée de la caverne. Rien n'avait bougé à l'intérieur, rien n'apparaissait dans ce boyau sombre qui devait être assez profond. Cependant, nos oreilles n'avaient pu nous tromper. Le hurlement était certainement parti de là. Le feu fut mis aux herbes et le tout flamba. De ce foyer se dégageait une fumée âcre et épaisse que le vent rabattit et que devait rendre l'air irrespirable au-dedans. Un second rugissement, plus furieux que le premier, éclata alors. L'animal se sentait acculé dans son dernier retranchement et pour ne pas être suffoqué, il allait être contraint de s'élancer au dehors. Nous l'attendions, posté en équerre sur les faces latérales du rocher, à demi couvert par les troncs d'arbres, de manière à éviter le choc d'un premier bond. Le capitaine, lui, avait choisi une autre place, et il faut bien en convenir, la plus périlleuse. C'était à l'entrée d'une trouée du taillis, la seule qui put livrer passage à la tigresse lorsqu'elle essaierait de fuir à travers le bois. Hod avait mis un genou en terre afin de mieux assurer son cou, et sa carbine était solidement épaulée. Tout son être avait l'immobilité d'un marbre. 3 minutes s'étaient écoulées à peine depuis le moment où le feu avait été mis au tas de bois, qu'un troisième hurlement, ou plutôt cette fois un râle de suffocation, retentit à l'orifice du repère. Le foyer fut dispersé en un instant, et un énorme corps apparut dans les tourbillons de fumée. C'était bien la tigresse. « Feu !» cria Banks. Les coups de fusil éclatèrent, mais nous pûmes constater plus tard qu'aucune balle n'avait touché l'animal. Son apparition avait été trop rapide. Comment l'eût-on pu viser avec quelque justesse au milieu des volutes de vapeur qui l'enveloppaient? Mais, après son premier bond, si la tigresse avait touché terre, ce n'avait été que pour reprendre un point d'appui et s'élancer vers le fourré par un autre bond plus allongé encore. Le capitaine Hod attendait l'animal avec le plus grand sang-froid, et le saisissant pour ainsi dire au bol, il lui envoya une balle qui ne l'atteignit qu'au défaut de l'épaule. Dans la durée d'un éclair, la tigresse était précipitée sur notre compagnon, elle l'avait renversée, elle allait lui fracasser la tête d'un coup de ses formidables pattes. Kalagani bondit, un large couteau à la main. Le cri qui nous échappa durait encore, que le courageux hindou, tombant sur le fauve, le saisissait à la gorge au moment où sa griffe droite allait s'abattre sur le crâne du capitaine. L'animal, détourné par cette brusque attaque, renversa l'hindou d'un mouvement de hanche et s'acharna contre lui. Mais le capitaine Hod s'était relevé d'un bond et, ramassant le couteau que Kalagani avait laissé tomber, d'une main sûre, il le plongea tout entier dans le cœur de la bête. La tigresse roula à terre. 5 secondes au plus avaient suffi aux diverses péripéties de cette émouvante scène. Le capitaine Hod était encore à genoux quand nous arrivâmes près de lui. Kalagani, l'épaule ensanglantée, venait de se relever. « Bagmariaga, Bagmariaga !» criaient les hindous, ce qui signifiait « La tigresse est morte !»« Oui, bien morte !» Quel superbe animal ! 10 pieds de longueur du museau à l'extrémité de la queue, taille à proportion, des pattes énormes, armées de longues griffes acérées, qui semblaient avoir été affûtées sur la meule de l'aiguiseur. Tandis que nous admirions ce fauve, les hindous, très rancuniers et à bon droit, l'accablaient d'invectives. Quant à Kalagani, il s'était approché du capitaine Hod. « Merci, capitaine, » dit-il. « Comment merci ?» s'écria Hod. « Mais c'est bien moi, mon brave, qui te dois des remerciements. Sans ton aide, c'en était fait de l'un des capitaines du premier escadron de carabiniers de l'armée royale. »« Sans vous, je serais mort, » répondit froidement l'hindou. « Eh, mille diables ! Ne t'es-tu pas élancé le couteau à la main pour poignarder cette tigresse au moment où elle allait me fracasser le crâne ? C'est vous qui l'avez tué, capitaine, et cela fait votre 46e. » « Hurrah ! Hurrah ! » crièrent les hindous. « Hurrah pour le capitaine Hod !» Et en vérité, le capitaine avait bien le droit de porter cette tigresse à son compte, mais il paya Kalagani d'une bonne poignée de main. « Revenez à Steam House, » dit Banks à Kalagani. « Vous avez l'épaule déchirée d'un coup de griffe, mais nous trouverons dans la pharmacie de voyage de quoi soigner votre blessure. » Kalagani s'inclina en signe d'acquiescement, et tous, après avoir pris congé des montagnards de soierie, qui n'épargnèrent pas leurs remerciements, nous nous dirigeâmes vers le sanitarium. Les shikaris nous quittèrent pour retourner au kraal. Cette fois encore, ils y revenaient les mains vides, et si Mathias Van Guit avait compté sur cette reine du Tariani, il lui faudrait en faire son deuil. Il est vrai que dans ces conditions, il eût été impossible de la prendre vivante. Vers midi, nous étions arrivés à Steam House. Là, incident inattendu, à notre extrême désappointement, le colonel Munro, le sergent McNeil et Gumi étaient partis. Un billet, adressé à Banks, lui disait de ne pas s'inquiéter de leur absence, que Sir Edward Munro, désireux de pousser une reconnaissance jusqu'à la frontière du Népal, voulait encore éclaircir certains doutes relatifs aux compagnons de Nana Sahib et qu'il serait de retour avant l'époque à laquelle nous devions quitter l'Himalaya. À la lecture de ce billet, il me sembla qu'un mouvement de contrariété presque involontaire, échappait à Kalagani. Pourquoi ce mouvement ? Je me trompais, sans doute.